Alphonse Koubguiman assure la mise en onde. Merci de rester fidèle au programme de la radio Isanganiro et bienvenue en cette édition de la mi-journée de ce 22 février 2019. D'abord les grands titres. Le Parlement burundais vient de recommander au gouvernement de réclamer un sommet des chefs d'État des pays ayant envoyé leurs troupes en mission de maintien de la paix en Somalie. C'est le contenu d'une déclaration conjointe des chambres basses et hautes du Parlement après s'être réunies d'urgence sur la décision du retrait des militaires burundais de la Somalie. C'était ce jeudi, vous en aurez les détails sur ces recommandations. Et dorénavant, pour accéder au concours de 9e à l'école fondamentale, la moyenne de classe est exigée. Une décision a été adoptée par le Conseil des ministres qui s'est réuni du 20 au 21 février. Vous entendrez pour Sperna Ogwami, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. La démographie galopante est un principal facteur de pauvreté et de faim. C'est une analyse qui a été faite par le doyen de l'Institut du commerce à l'Université du Burundi que vous entendrez. Et l'on vous ferait également part de la chronique environnement. Et aujourd'hui, l'on va vous parler de la forte pluviométrie et de l'acidité du sol. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, sécurité pour débuter cette édition. Une personne sans vie a été retrouvée l'après-midi de ce jeudi à la colline Eranvia de la commune Buhiga en province Karusi. Le corps était suspendu sur une corde tout près d'une étable de vaches qu'il gardait comme sentinelle. La police indique que cet homme d'environ 30 ans aurait été tué et son corps suspendu par après, expliquant que le corps présente des blessures. Ce corps a été acheminé à l'hôpital du cinquantenaire de Karusi pour expertise médicale. Un suspect a été arrêté par la police pour raison d'enquête, affirme le responsable de la police de la protection civile de Karusi. Et je vous le disais en titre, les élèves des classes de 9e fondamentale qui n'auront pas réussi, ceux qui auront une basse note seront admis dans les écoles de métier et ceux qui auront une note moyenne pourront refaire l'année scolaire. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu à Gitega, la capitale politique, du 20 au 21 février de cette année. Prosper Nangwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, indique que ce projet de loi adopté a été proposé par le ministre ayant l'éducation dans ses attributions suivies. Ce projet a été présenté par la ministre de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'école fondamentale initiée depuis 2013, il a été instauré un concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental après la 9e année du fondamental, dont la première édition a eu lieu en 2015-2016. Jusqu'à ce jour, ce concours est ouvert à tous les élèves régulièrement inscrits en classe de 9e des établissements publics et privés. Les lauréats qui réussissent au concours national sont orientés d'office au poste fondamental, qu'ils aient réussi en classe ou pas, car seul le résultat du concours compte. Ceux qui n'ont pas réussi au concours sont répartis en deux catégories. D'un côté, il y a ceux qui ont réussi aux examens trimestriels organisés à l'école et qui sont encouragés à s'orienter vers les centres d'enseignement des métiers et les centres de formation professionnelle. Et de l'autre côté, ceux qui ont échoué en classe et qui peuvent reprendre l'année en fonction de la disponibilité des places et des résultats obtenus. Cette disparité est perçue comme une sorte d'injustice par une certaine opinion qui estime que si le redoublement constitue une faveur, ceux qui ont réussi en classe devraient en bénéficier davantage. Le présent projet propose entre autres comme condition d'éligibilité au concours que le candidat soit régulièrement inscrit et qu'il ait réussi en classe et sans échec en éducation. Le projet prévoit également que les lauréats qui échouent au concours national de certification et d'orientation, même s'ils n'ont pas droit au redoublement, puissent se représenter au concours des éditions ultérieures ou poursuivre leur formation dans les centres d'enseignement des métiers, moyennant certaines conditions. Prosper Nangwamiye, il est porte-parole du gouvernement et secrétaire général également du gouvernement et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. La Direction Générale des Routes a déjà acheminé une demande des moyens au ministère des Finances pour la réparation des différentes routes, dont celle de la mairie de Bujumbura. Le directeur général des routes indique également que les études pour la déviation de la RN1 au niveau du nouveau palais présidentiel ont été achevées. L'ingénieur Vincent Nibayou-Bahé fait savoir que le rond-point des Nations Unies figure parmi les priorités des travaux de bouchage et des nids de poules. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la Radio Nationale. Le rond-point des Nations Unies, c'est normalement, ça devrait être fait dans un système de travaux qu'on appelle point à temps. Mais parce que c'est un point qui est très menacé et qui est un point qui fait visibilité au pays, nous avons entamé une procédure pour qu'on puisse attribuer à marché à l'une des entreprises locales, comme la série des ponts qui est menacée. Point aussi, rond-point des Nations Unies fait partie des requêtes qui ont été envoyées à son excellence ministre des Finances pour donner son accord au principe pour que les travaux puissent être attribués. Le nouveau palais présidentiel a été exceptionnel récemment. Vous disiez qu'il y aura une déviation de la route RN1. Qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens? Pendant qu'on construisait, nous avons été recommandés de chercher un endroit pour que le trafic puisse être un peu dévié. Et nous avons directement initié la recherche d'un tracé qui peut être plus court et moins coûteux pour rejoindre RN1 et RN5. Alors, c'est un travail qu'on a fait concomitamment avec une entreprise chinoise qui y a à main le tracé et nous attendons à ce que la comptabilisation des frais d'indemnisation, alors on n'a pas encore fait le total de toutes ces indemnisations pour qu'on puisse donner au ministre des Finances d'utiliser les fonds de contribution pour donner aux populations qui seront affectées par le projet. Au niveau des fonds, les fonds incombent au ministère des Finances. Pour nous, Office des routes, ce que nous avons fait, c'est d'abord faire l'étude. Le rapport a été déposé, mais c'est deux rapports séparés. Il y a un rapport d'abord de 5,8 km, c'est de RN1 jusqu'à RN9. Il y a aussi une autre étude qui, de RN9 jusqu'au rond-point des Nations Unies et qui va vers la Moussa Al-Astardi, qui concerne l'agrandissement de la route parce que quand le trafic sera dévié, probablement qu'il y aura beaucoup de véhicules qui vont passer là-bas. Alors, quand il y a beaucoup de routes, vu aussi le trafic qui était à Bamutakura, il faudra agrandir la route pour que la fluidité du trafic puisse être facile. Alors, aujourd'hui, on avait donné le marché à un bureau qui s'appelait Prospective. Et ce bureau a déjà déposé son rapport. C'est le tour du gouvernement de chercher les fonds qui pourront aider à ce que cette route soit agrandie. Et je vous l'avais dit en titre, le Parlement burundais demande la tenue d'un sommet des chefs d'État et des gouvernements contributeurs de troupes dans la MISOM. Dans une déclaration sortie par ces institutions après s'être réunis l'après-midi de ce jeudi, ils demandent à l'Union africaine de reconsidérer la décision de retrait progressif des militaires burundais de la Somalie, sinon que ces troupes burundaises soient définitivement retirées de leur mission. Recommande le Sénat et l'Assemblée nationale. Placide Niyomwongere pour plus de détails. Dans ce communiqué, le Parlement burundais, en ses deux chambres réunies, considère la situation actuelle en Somalie grâce à l'action, dit-il, qui a été menée par les forces des contingents burundais, mais exprime sa grave préoccupation face à la capacité d'Al-Shabaab de mener des attaques encore meurtrières contre les civils, les forces somaliennes et AMISOM. Ces élus du peuple burundais trouvent que la décision de réduire les éléments burundais de l'AMISOM, une décision qu'ils qualifient d'injuste et unilatérale, risque de renforcer la capacité d'Al-Shabaab qu'il considère comme menace régionale, africaine et mondiale. Dans son communiqué, le Parlement burundais, en conséquence, exige une adoption de mesures pour sécuriser les régions sous menace terroriste qui risquent d'être récupérées suite à la réduction de ses troupes burundaises. Ces élus du peuple burundais demandent à la Commission d'assurer la protection des troupes burundaises qui restent en Somalie et aussi de reconsidérer la décision. Sinon, le Parlement demande au gouvernement burundais le retrait de tous ses militaires encore en Somalie et de saisir le président en exercice de l'Union africaine pour ce soir au programme de rapatriement de ses troupes et de convoquer également un sommet des chefs d'État de pays contributeurs pour parvenir à une situation consensuelle et juste. D'ores et déjà, la Commission africaine de sécurité a ordonné que 1000 militaires burundais doivent avoir quitté le sol somalien avant le 28 février 2019. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h08, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook Radio Isanganiro. Il s'observe un grand regard qui déverse des eaux usées mélangées à des déchets humains à la 16e avenue de la zone Buyenza Mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité craignent d'attraper les maladies de Mansal. Ils demandent aux administratifs de réhabiliter son regard dans l'urgence. C'est le reportage signé Moïse Misako. Ce regard est situé entre la 15e et la 16e avenue à l'endroit communément appelé 030. À quelques mètres de ce regard, le petit commerce s'observe et même des boutiques. Ces déchets-là que vous voyez ici, voyons vraiment des déchets, des odeurs nous abondent. Ces déchets nous proviennent dans un regard. Ce commerçant de cet endroit dit que ces déchets perturbent son travail car, dit-il, des clients n'approchent plus sa boutique. Comme conséquence, des déchets des toilettes des maisons environnantes ne s'acheminent plus à leur destination. Des fois, ils essaient de réparer ce regard sans succès, ajoute ce commerçant. Les habitants de cette avenue craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène car leurs enfants jouent dans ces déchets. Ils demandent l'intervention des autorités administratives pour la réparation de ce regard. Oui, nous avons des inquiétudes, beaucoup des inquiétudes. Nous demandons à l'administration locale et à l'administration hiérarchique de faire l'hygiène de ceci. Des regards qui dégagent des déchets dans les rues se remarquent dans plusieurs endroits dans cette zone. Merci Moïse Misago, le maire de la ville de Bujumbura indique que le gouvernement burundais a commandé des pompes pour trouver une solution durable aux eaux usées qui se déversent dans différents coins de la capitale. Et le maire de la ville de Bujumbura précise qu'il reste le vice d'Archimède. Cependant, Freddy Bonim ajoute qu'en attendant cette solution durable, la municipalité pourrait voir comment remédier à ce problème à court terme. Le gouvernement vient d'octroyer au CTMU un financement pour acheter les pompes, permet de purifier cette eau usée. Ils sont déjà installés depuis le mois de juillet 2018. Il ne manquait que les vis d'Archimède. On vient aussi de signer un contrat avec une société française pour pouvoir remplacer ce qu'on appelle les vis d'Archimède. Ces vis sont tellement volumineux, plus de 13 tonnes et une longueur de 20 mètres. Ce sont des machines qui nécessitent une fabrication spécifique. En retour, il y a une installation qui va prendre 150 jours, donc 4 mois. Je pense alors, en attendant que ces vis d'Archimède soient installés, nous allons essayer de trouver d'autres moyens avec des techniciens pour pouvoir comment gérer à cette question. Mais pour le moment, la solution du lab, c'est l'installation de ces vis d'Archimède. Freddy Monima, il est le maire de la ville de Bujumbura. Je vous l'avais dit en titre, la croissance démographique à vitesse accélérée est la cause principale de la faim et de la pauvreté dans notre pays. Analyse ce jeudi du doyen de l'Institut supérieur du commerce à l'Université du Burundi lors d'un atelier d'analyse et des solutions pour éradiquer la faim et la pauvreté au Burundi. Aloïse Misago appelle au gouvernement à mettre en place les stratégies qui pourraient aider les Burundais à s'en sortir. Suivez. Et les causes de la faim et de la pauvreté ici au Burundi sont multiples, mais la première cause, c'est la croissance démographique exagérée. Et parce que nous avons un système d'héritage qui veut que si vous avez 5 enfants, 10 enfants, 20 enfants, tous vont se partager cette parcelle. À la longue, la parcelle qu'on hérite ne peut plus suffire pour nourrir tout ce monde-là. L'autre cause, c'est parce que nous utilisons des méthodes vétustes, des méthodes archaïques d'agriculture et d'élevage. Alors il faudrait améliorer ces méthodes-là pour pouvoir augmenter la productivité. Bien entendu, il y a aussi le manque des unités de transformation. Dans les régions, par exemple, qui produisent des tomates, pendant la récolte, les tomates vont pourrir. Les régions qui produisent des ananas, pendant la récolte, les ananas vont pourrir sur le marché. Alors il faudrait des unités de transformation pour pouvoir conserver tous ces produits-là et ainsi réduire la pauvreté, surtout la pauvreté rurale qui s'accroît de jour en jour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer d'office la pauvreté qui gangrène la société burundaise? Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord renforcer la capacité des producteurs, aussi bien agricoles que ceux de l'élevage. Mais c'est aussi faire le tout possible pour que chaque commune, par exemple, ait une unité de transformation pour éviter la déperdition des produits agricoles. Il faudrait aussi exploiter le marché qui s'est élargi avec l'entrée du Burundi dans la communauté est-africaine pour exporter, non seulement importer les produits de la région. Et avant de passer à la chronique parlant santé, le matériel de surveillance des patients programmés pour l'opération est insuffisant dans les hôpitaux publics. Le constat est de l'Association des infirmiers anesthésistes qui a distribué ce vendredi une cinquantaine d'oxymètres. Luc Saboulouré est le représentant légal adjoint de cette organisation. Fait savoir que ce matériel aidera à suivre de près la fréquence cardiaque. Un matériel distribué délégué de différents hôpitaux publics du pays suivi.